se passe ici et là. Un homme, une femme, et puis voilà. Dans un café, la pluie qui bat. Voilà l'histoire. Elle le regarde, il la regarde. Il se fait tard, mais il s'attarde. Et entre eux, l'amour s'hasarde. Voilà l'histoire. Elle ne le quitte pas des yeux. Voilà l'histoire. C'est juste entre eux deux. Voilà l'histoire. Il ne la quitte pas des yeux. Voilà l'histoire. C'est juste entre eux deux. Voilà l'histoire. L'histoire se passe ici et là. Ils vivent ensemble, parlent d'une seule voix. Elle se sent bien là dans ses bras. Voilà l'histoire. Il se réveille par travailler. Elle qui l'attend toute la journée. Il va rentrer fin de soirée. Voilà l'histoire. Elle le quitte juste un peu des yeux. Voilà l'histoire. C'est juste entre eux deux. Voilà l'histoire. Il la quitte juste un peu des yeux. Voilà l'histoire. C'est juste entre eux deux. Voilà l'histoire. L'histoire se passe ici et là. Elle est partie et puis voilà. Il est si seul, n'en revient pas. Voilà l'histoire. Il se rappelle, il se ressasse. Toute l'histoire, il la repasse. Dans sa mémoire, tout qui se casse. Voilà l'histoire. Elle a quitté, fait ses adieux. Voilà l'histoire. C'est juste entre eux deux. Voilà l'histoire. Il a quitté, fait ses adieux. Voilà l'histoire. C'est juste entre eux deux. Voilà l'histoire.